Bonjour à tous, ici Émilie, votre animatrice de coup de tête. On repousse souvent nos rendez-vous chez le dentiste par appréhension, et pourtant, ces médecins jouent un rôle tellement important pour notre santé. J'ai grandi auprès de l'un d'entre eux, et j'ai pu voir combien ce métier peut être exigeant et à quel point il peut faire une vraie différence, notamment en détectant des maladies graves, comme les cancers de la tête et du cou. Dans son podcast « Entretien avec un dentiste », Florence Etcheverry met en lumière l'aspect humain de cette profession et elle nous dévoile les coulisses d'un métier qui est souvent méconnu. Je vous recommande d'aller l'écouter. Vous y découvrirez aussi le témoignage de Sabrina, la présidente de notre association Corasso, dont la vie a changé après une simple consultation annuelle chez son dentiste. Alors que vous soyez patient, soignant ou simplement curieux, ce podcast vous offrira un nouveau regard sur le monde dentaire. Et qui sait, peut-être que vous finirez par prendre ce rendez-vous qui traîne sur votre to-do list depuis des semaines. Bonjour et bienvenue dans Coup de tête, le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou. Je m'appelle Émilie et j'ai été touchée par un cancer des cordes vocales à l'âge de 22 ans. Avec l'association de patients Corasso, nous souhaitons porter plus haut la parole des patients pour faire connaître et reconnaître ces différentes voix, ces différentes élocutions, ces différentes histoires inspirantes et pleines de résilience. Coup de tête, c'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer tête et cou. À écouter sans modération. C'est une toute nouvelle Charlotte que nous avons aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de Coup de tête. Salut Charlotte. Salut. Et merci de nous recevoir aujourd'hui chez toi en Franche-Comté, dans ton salon. Merci à vous. Je suis désolée, je ne te ramène pas le soleil. On va peut-être même entendre un petit peu l'orage au loin. Je suis super contente aujourd'hui de te retrouver parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vus. Parce que dans la vie, toi et moi, on est amis. Je ne sais pas si on peut dire que c'est grâce au cancer qu'on s'est rencontrés ou plutôt grâce à une personne en particulier, une personne qui nous est chère à toutes les deux et qui a fait beaucoup pour nous dans nos parcours de soins respectifs. Cette personne, elle s'appelle Alice. C'est une personne qui est très dévouée dans son travail et également avec ses patients. C'est notre orthophoniste. Elle nous a beaucoup écoutés, épaulés, aidés dans tout notre parcours. Et on lui en est infiniment reconnaissante, je pense. D'autant plus que c'est elle qui nous a mis sur le même chemin. En contact. Alors toi, Charlotte, tu as eu un cancer de la langue en 2021. Tu étais toute jeune, ouais. Tu avais à peine 21 ans. C'est un peu comme si tu rentrais dans la cour des grands, celle des adultes, avec un poids en plus à porter. Je pense, comme beaucoup de jeunes qui peuvent malheureusement passer par cette étape du cancer, un millier de questions ont dû te passer par la tête concernant ton avenir, tes projets professionnels ou tes projets personnels également. Alors merci une nouvelle fois d'être avec nous et de témoigner à cœur ouvert. Ben, merci à vous de m'accueillir sur ce podcast. Je suis très contente de pouvoir participer. Plaisir partagé. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est comment tu vas aujourd'hui ? Ça va bien. J'ai réussi à trouver un équilibre entre les traitements, puisque je suis toujours malade, et la vie normale, si je peux dire. Et pour le moment, ça me convient. Alors, comment tout a commencé? Quels étaient tes premiers symptômes que tu as eus en 2021, du coup? Alors, à la fin de l'été 2021, j'ai commencé à avoir un peu mal dans la langue quand j'avalais ma salive, quand je mangeais, un peu quand je parlais, mais c'était pas permanent. Et en observant un peu ma langue, j'ai vu que j'avais une sorte de gaffe sur le bord droit de la langue. Et plus les jours passaient, cette gaffe perdurait et ces douleurs persistaient. Du coup, j'ai fini par prendre rendez-vous avec le médecin parce que ma maman m'avait ramené de la pharmacie un petit à mettre sur les aftes et malgré ça, ça ne marchait pas. Donc le médecin m'a prescrit un autre médicament pour les aftes et il m'avait dit qu'en une semaine, ça partirait. Et au bout d'une semaine, c'est pas parti. Une semaine et demie, c'est toujours pas parti. Et puis ces douleurs continuaient à être présentes. Et je sentais aussi une boule dans ma langue. Étant du domaine un peu médical, paramédical, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et j'ai repris assez rapidement un rendez-vous chez le médecin. Et là, elle a eu la bonne relation, j'ai envie de dire, de direct me réorienter vers un médecin ORL que j'ai vu à la suite de ça, trois semaines après, et qui lui aussi a eu la jugeote de faire une biopsie directement, malgré le fait que je n'ai aucun facteur de risque prédisposant à ça. Il m'a fait une biopsie et du coup, une semaine plus tard, il m'a annoncé le diagnostic. Ok. Et est-ce que c'est... Tu t'y attendais ? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais potentiellement envisagé ? Ou est-ce que tu connaissais aussi les cancers tête et cou ? Alors, honnêtement, je ne connaissais pas vraiment les cancers tête et cou. Et si on me parlait d'un cancer tête et cou, pour moi, c'était impossible que ce soit touché parce que, j'étais jeune, donc à mon âge, on se sent un peu invincible. Et en plus de ça, pour moi, c'était le cancer des fumeurs. Donc vraiment, je n'y pensais pas du tout au début. Et c'est quand j'ai commencé justement à sentir cette boule que... Il y a eu un truc dans ma tête qui a tilté et qui s'est dit peut-être que ça peut être ça. Et plus le temps passait, quand j'ai vu que le médecin me réorientait vers un ORL, là j'ai commencé à vraiment me dire ça sent un peu mauvais. Et après la biopsie, en fait pour moi quand le médecin ORL a fait la biopsie, pour moi c'était déjà un cancer. Ouais. Donc, au moment de l'annonce, comment ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu étais accompagnée aussi ? Le médecin, le jour où il m'a fait la biopsie, il m'avait dit qu'il me rappellerait pour me donner les résultats parce que c'était à 1 heure de chez moi. Je n'avais pas pu trouver plus près, plus rapidement. Et une semaine plus après, voyant que je n'avais pas d'appel du médecin, je l'ai moi appelé. Et j'ai eu sa secrétaire qui m'a dit justement, je voulais vous appeler parce que le médecin voudrait vous revoir. Et je lui ai dit c'est bizarre parce que justement, il m'avait dit qu'il me communiquerait les résultats par téléphone. Et forcément, la secrétaire qui ne pouvait rien dévoiler me dit juste dites-moi quand vous êtes disponible, il voudrait vous revoir. Et donc moi, le lendemain, j'y suis allée. Et en fait, c'était le dernier jour de mon stage. Mon stage en kiné, du coup. Et comme mes parents, je pense, sentaient aussi venir le souci, mon père a voulu m'accompagner. Donc j'y suis allée avec mon père. Et bizarrement, en fait, alors forcément, on vous annonce un cancer, c'est jamais facile. Mais moi, comme quelque part, je m'y attendais, ça m'a fait un choc, mais j'étais ok. Ouais, t'étais déjà un peu préparée psychologiquement à cette éventualité, quoi. Moi, j'étais plus dans maintenant comment ça va se passer que le moment à me dire. Ok, on vient de m'annoncer un cancer, c'était plus déjà comment ça va se passer. Et alors, du coup, comment ça s'est passé par la suite ? Qu'est-ce que tu as eu comme traitement ? Donc, moi, j'ai eu une opération où ils ont retiré la moitié droite de la langue et ils ont reconstruit avec un lambeau libre. Donc, en fait, c'est un morceau de peau qui est prélevé ailleurs sur le corps. Moi, en l'occurrence, c'était au niveau du dos. Et ce morceau a été façonné de sorte à reconstruire ma langue, enfin la partie manquante de ma langue. Et pendant cette opération, il y a eu aussi un curage ganglionnaire pour voir si justement il y avait des ganglions qui étaient atteints. Du coup, suite à ça, ils ont vu qu'il y avait deux ganglions qui étaient atteints et j'ai eu 33 séances de radiothérapie en janvier et février de l'année suivante. Et alors du coup, à ce moment-là, tu étais à quelle étape de ton parcours scolaire ? Alors, donc, moi, je l'ai dit, je fais des études pour être kiné. Donc, je rentrais dans ma deuxième année d'école. Et en fait, cette année, je commençais par 6 semaines de stage. Et donc, moi, j'étais à mon dernier jour de stage quand ça s'est produit. Ok. Enfin, oui. Quand j'ai eu le diagnostic. Ok, donc oui, tu as pu finir ton stage. Voilà, et, ouais. Ok, et poursuivre tes études par la suite. Du coup, oui, moi, c'était un souhait que j'avais, c'était que mon cancer fasse le moins de vagues possible dans ma vie. C'est un truc que j'ai dit à tout le monde, en premier lieu à mon père dans la voiture sur le retour du rendez-vous de l'annonce, c'est que je voulais garder la vie la plus normale possible. C'était vraiment important pour moi de pouvoir garder, continuer d'aller à l'école, et même je me disais, garder un contact avec mes copines, avec l'école, tout ça, ça me permettait de sortir un peu de cet univers de la maladie, tout ça. Donc, j'ai eu juste à rater 2 semaines de cours après mon opération, puisque j'ai été hospitalisée 2 semaines. Mais j'avais mes amis sur qui je pouvais compter qui m'ont envoyé tous les cours au fur et à mesure. Et donc, j'ai pu poursuivre mon année. Et même pendant la radiothérapie, j'ai continué à aller à l'école. Je passais mes partiels, même pendant la radiothérapie. Et donc, j'ai réussi à ce moment-là à tout combiner. C'était pas facile, mais... Oui, c'est ce que j'allais demander, parce que même en termes de fatigue, de rythme, parce que t'as eu quand même beaucoup de séances de radiothérapie, ça fatigue. Et en plus, la radiothérapie, c'était à 1 heure de chez moi. Mais en fait, avec le recul, enfin oui, c'était difficile. Mais à ce moment-là, en fait, j'étais tellement dans le truc que je faisais et ça suivait son corps. Donc, en mars 2022, j'ai été considérée comme en rémission. Et en septembre de la même année, j'ai commencé à avoir des douleurs à la mâchoire. Et très rapidement, on m'a diagnostiqué une récidive. Suite à ça, j'ai fait trois cures de chimio. Une chimio qui était assez intense parce que mon cancer revenait bien en force et était assez agressif. Et j'ai fait ça jusqu'à la fin de l'année 2022. Et en janvier 2023, j'ai été réopérée du coup. Et donc à ce moment-là, j'ai pris une année sabbatique pour pouvoir me consacrer à ma santé. Et du coup, j'ai repris en septembre de cette année. On m'a diagnostiqué une nouvelle récidive pour laquelle j'ai un traitement à plus long terme d'immunothérapie et de thérapie ciblée. Justement, les médecins m'ont expliqué que l'objectif c'était de pouvoir vivre à long terme avec le traitement parallèle. J'arrive à combiner l'école et le traitement. Bien que des fois, je rate les cours, je me mets en visio, je suis fatiguée, donc je reste à la maison. Mais mon école s'est un peu habituée à ma situation et donc je trouve toujours une solution. Ouais, il a fallu s'adapter, jongler un peu entre les deux. Ouais, ouais. À 21, 22 ans, c'est vrai qu'on est dans une période un peu de transition. On n'est plus adolescent, on est presque adulte et on a aussi ce qu'on appelle les AJA. Donc c'est les adolescents jeunes adultes. Est-ce que tu connaissais ce terme-là ? Donc déjà, avant d'être malade, déjà, je ne connaissais pas du tout. En fait, avant d'être malade, je ne me posais pas la question de comment ça se passe à l'hôpital. Et en fait, le médecin, le chirurgien m'a directement parlé de l'équipe AJA et m'a mis en relation avec l'équipe AJA. Et bah en fait, moi, ça m'a été vraiment très utile de pouvoir un peu retrouver une certaine innocence. Pendant mon hospitalisation, je me souviens, un atelier que j'ai fait. Alors, on n'était pas nombreux, on était deux ou trois, en plus des adultes qui nous encadraient. Mais justement, on parlait de notre perception de nous. Enfin voilà, c'était tout un atelier sur l'image de soi, etc. Et j'ai eu ça. Parmi toutes les activités, les agents dont j'ai pu bénéficier, il y en a énormément. Je suis suivie par la psychomotricienne des jeunes adultes, la psychologue aussi. Il y a eu pas mal d'activités. J'ai été hospitalisée pour ma chimio, je crois. Il y avait des animaux qui étaient venus. J'avais eu des petits chatons. Oui. Et en fait, souvent, ils restent à l'étage de pédiatrie. Et en fait, il y a Fanny, de l'équipe AJA, qui est l'éducatrice spécialisée. Et en fait, Fanny, c'est un peu la... Enfin, moi, pour moi, elle me permet de faire la coordination avec l'équipe AJA. C'est-à-dire que s'il y a une activité, ben, les animaux, par exemple, où j'avais vu aussi, à mon opération de janvier 2023, j'avais vu une slameuse, une personne qui fait du slam. Slam ? Oui. D'accord. On avait pu faire une petite chanson, justement, ensemble. En fait, tout ça, c'est elle qui m'envoie un message. Elle me propose « Ah ben, il y a ça qui vient aujourd'hui. Est-ce que t'es là ? Est-ce que t'es dispo ? Est-ce que ça t'intéresse ?» Et ben, moi, après, je dis oui, je dis non. Voilà. Mais il y a tellement d'activités auxquelles j'ai pu participer. Il y a, j'aurais pu participer un week-end à Giverny, sur plein d'activités artistiques avec plein d'autres jeunes malades en France. Ça a été annulé parce qu'il y avait des problèmes de grève, de transport, tout ça. Ça, c'était par le service AJA ou c'était une association? Non, de c'est une association, mais en fait, l'association, elle se met en contact, je pense, avec les AJA des différents hôpitaux qui ensuite proposent aux jeunes. J'ai aussi vu les Perles du Cœur avec Princesse Margot, pareil, une association. Et on a fait ensemble, avec des petites perles, tout mon parcours. Et chaque perle représente une étape de mon parcours. Et en fait, ben, maintenant, j'ai fait attention, mais je monte en pédiatrie parce qu'il y a, une salle où il y a plein de jeux de société, etc. Et que je vois le jeune, et ben, tous, ils ont leur atelier aussi qui pendent à leur potence. Ben, moi aussi, j'ai le mien. Et je suis contente de pouvoir bénéficier de ça parce que du fait que je suis un peu dans cette tranche mi-jeune, mi-adulte, ça te permet aussi d'avoir des beaux moments rattachés à ta maladie. Oui, t'es à l'hôpital, mais t'as vu les petits chatons, tu vois. Et ça fait du bien. Et puis c'est vrai que, enfin, moi, dès que je me retrouve à l'hôpital, j'ai un peu envie de rien. Enfin, on est là dans une chambre, j'ai envie de rester dans ton lit. Et du coup, il y a cet entrain, on vient de voir. Il y a aussi des profs d'activité physique adaptée. Donc moi, pendant mon hospitalisation, toutes mes hospitalisations, en fait, le matin, t'as la prof d'activité physique qui vient te voir, et tu fais 2-3 squats, un peu de renforcement, et ça te permet de te mettre en mouvement. J'avais fait aussi, il y a une prof d'art plastique, Et j'avais fait de la poterie avec elle. Oui, je sais. Enfin, ouais, je peux t'en délivrer, mais non, pas possible, comme ça. Donc, on a beaucoup parlé de l'hôpital, mais le retour à la maison. Donc, t'es retournée chez tes parents, où tu habites. Comment il s'est fait? Oui. En fait, alors moi, ma maladie, j'ai jamais, si on peut dire, j'ai jamais mal vécu. Ça a jamais été un handicap pour moi. J'en ai toujours rigolé avec tout le monde, et même des fois les gens sont un peu déstabilisés quand je fais des blagues parce qu'ils savent pas s'ils peuvent rire ou pas, mais moi je fais que me prendre ceci. Et en fait mon souhait à chaque fois que je rentre chez moi, c'est toujours retrouver la vie la plus normale possible. Petit à petit que j'ai été de plus en plus, entre guillemets, malade. J'étais toujours malade de la même manière, mais j'étais de plus en plus handicapée par mon élocution, ma façon de manger. J'ai de plus en plus quand même craint le regard extérieur. Et donc, déjà rien que le fait de pouvoir être chez mes parents, dans un environnement que j'ai toujours tenu, avec des gens... Ben, les personnes qui sont les plus proches de moi, ça faisait vraiment un cocon. Et donc, y a eu vraiment des périodes où je restais à la maison, le temps de retrouver mes marques, avant de me sentir prête à pouvoir ressortir. Vis-à-vis de l'école, quand je retournais à l'école dans la classe qui me connaissait, et qui savait ce qui m'est arrivé, je ne craignais pas forcément. Par contre, quand je suis retournée à l'école après mon année de césure dans une nouvelle classe, qui savait ce qui m'est arrivé parce qu'on est une petite école, donc tout se sait, mais que je ne connaissais pas, en fait, cette promo, je ne la connaissais pas, j'étais un peu quand même déstabilisée. Mais j'ai été très bien accueillie, personne ne m'a fait me sentir à l'écart. Et plus le temps avance, et moins je crains le regard des gens. En fait, il y a différents degrés de crainte. Avec mon entourage proche, j'ai jamais craint. Et même au contraire, parce qu'ils ont toujours été hyper encourageants avec moi. Donc chaque progrès que je fais, ils me le font savoir et ça m'encourage à faire mieux. Après, il y a l'entourage moins proche. Ça va être les gens qui me connaissent et que je connais, mais qui m'ont pas forcément déjà parlé. Qui connaissent mon histoire parce que je la partage. Mais sans m'avoir... Sans te connaître personnellement. Là, j'ai une appréhension, mais le fait qu'ils sachent ce que j'ai, du moins que je pense qu'ils sachent ce que j'ai, casse déjà une barrière. Alors souvent, du coup, maintenant, j'ai appris à force avec le temps, je dis, même si jamais tu ne me comprends pas bien... N'hésite pas à me faire répéter, je sais que des fois on peut ne pas me prendre. Et par contre, après, il y a des gens qui ne me connaissent pas du tout. Les gens à la caisse, à la boulangerie, je me souviens de la vidéo que j'avais regardé de toi, tu faisais tes premiers pas à la boulangerie, c'est un peu pareil. En fait, c'est toujours une première fois. C'est est-ce que la personne va me regarder avec des gros yeux? Ça, j'ai été surtout heurtée à ça. Quand j'ai vraiment fait la connaissance de nouvelles personnes à mon stage en janvier, là, parce que je suis partie à Bordeaux où je connaissais personne. C'était des professionnels qui m'avaient jamais entendu. Enfin voilà, il y avait que des gens que je ne connaissais pas. Et ils avaient été prévenus en amont, tu leur avais dit Je les avais prévenus quand même parce que comme je devais m'absenter pour mon traitement, j'avais prévenu à l'avance. Par contre, j'avais pas mis, vous ne comprendrez pas très bien, j'en parlerai. Et au début, je parlais et j'essayais de faire abstraction en me disant « fais comme si tu parlais normalement ». Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte que c'était pas la bonne chose pour moi. J'ai consulté mes amis de Corasso. J'ai mis un message dans la conversation groupe en disant je me heurte à une nouvelle difficulté, c'est comment faire face au regard des autres qui ne vous connaissent pas et qui vous peuvent parfois vous juger vous avez l'impression qu'ils vous jugent. Et en fait, il y a des gens qui m'ont répondu, moi, je dis d'emblée, j'ai été opérée de la langue. Après, on peut donner plus ou moins de détails. Soit j'ai eu des soucis de santé, je parle pas très bien, ou aller jusqu'à j'ai eu un sursaut de la langue, mais du moins prévenir à l'avance, je parle pas très bien, donc si vous me comprenez pas, vous pouvez me faire répéter, il n'y a pas de souci. Et comme ça, ça pose le cadre. Et ça tâche l'appréhension. Parce que plus le temps avançait, et plus, quand on me faisait répéter, je me disais, ça devait être vraiment horrible comme je parle. Je me mettais en tête des choses, au lieu de simplement poser le cadre. Et du coup, la personne, elle va être plus attentive. Ouais, complètement. Et du coup, il y a un filtre en moins. Même maintenant, moi, à l'école, si je dois faire une présentation, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai dû faire un truc à l'oral en anglais. En anglais en plus. Donc, directement, c'était des gens qui ne me connaissaient pas, je l'ai dit. Ouais. Parce que je me suis dit, s'ils me veulent dire, mais ils sont où, c'est ça. Alors que là, au moins, ils se disent, ok, donc, elle a des difficultés d'élocution. On va faire attention à la manière dont elle parle. Justement, dans le Corasso, quand j'avais mis mon message, il y avait des gens qui m'avaient dit, moi-même, je me souviens, il y avait une personne qui m'avait dit, je hiérarchise mes relations. Et les relations qui n'ont pas, qui sont vraiment obsessionnelles et qui vont aboutir à rien, la personne m'avait même dit, moi, j'écris. Parce que j'ai pas. Alors, ça dépend du cancer, etc. Mais ouais. Pour s'économiser, elle écrit plutôt que de parler, comme ça, elle s'économise. Ouais. Et chacun fait ses ajustements. Chacun a sa petite manière de tourner les phrases. Je me souviens même, Alice, donc notre orthophoniste, elle m'avait dit tu peux trouver une petite. Comme une petite punchline, on va dire, à répondre du tac au tac quand on te fait une remarque. Une réflexion. Et en fait, je me rends compte maintenant, moi, que j'ai pas forcément cette petite phrase. Je l'adapte vraiment en fonction de qui j'ai en face et j'essaye de plus trop me focaliser là-dessus, en fait, tout simplement. Et puis tu vois aussi, au fur et à mesure du temps, tu arrives à voir. Ce que tu peux dire et à qui il y a des gens que tu vas rencontrer, tu vas avoir envie de leur dire parce que tu vois qu'ils vont comprendre. Même sur une petite conversation, parfois j'arrive à me sentir suffisamment rapidement pour dire c'est vrai que je parle pas très bien, mais voilà ce qui m'est arrivé. Parce que, en plus, ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est que je sais pas comment c'est par soi, mais moi, je me rends pas compte que j'ai ces soucis d'élocution. Par soi, c'est plus la voix. Mais moi, dans ma tête, ma voix, mon élocution, elle va bien. Et il y a que quand on me fait des réflexions ou que j'ai des attitudes un peu particulières en face de moi que je me souviens. Ouais. Que j'ai des difficultés. Et pour ma part, c'est un peu différent. Alors moi, je dirais plutôt l'inverse, mais après, je pense que ça dépend aussi des pathologies et ça dépend de chacun aussi. Mais j'ai pas oublié encore que ma voix est différente même si elle est bien, elle est ancrée, je l'accepte. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, une nouvelle personne. Je m'attends potentiellement à avoir une remarque. Oui, t'as toujours une appréhension. J'ai toujours une petite appréhension. Oui. Je sais que je vais potentiellement avoir quelque chose et je suis déjà préparée un peu à répondre, quoi. Je pense aussi que la différence, c'est que comme moi, c'est plus de la prononciation des mots. Oui. Tu vois, je sais, moi, ce que je veux dire, tu vois. Oui, oui. Et du coup, La petite voix dans ma tête, ouais. elle c'est parfaitement clair, quoi. Tu vois ce que tu entends? Et c'est vrai que moi, si je fais attention à ce que je dis, oui, j'entends que je parle pas bien. Mais quand j'y fais pas attention, ben, comme je sais ce que je vais dire, ça se fait oui, tout seul. Mais... Alors, en tout cas, on se comprend très, très bien, c'est un peu de rassurer. Merci. Mais effectivement, oui, vu que c'est la langue qui a été touchée, du coup, tu as eu toute une partie de rééducation. Oui. Et donc, on va parler justement de cette rééducation orthophonique. Mm-hmm. Comment ça s'est passé? Ça a été long et fastidieux. Ouais. Donc, la première fois que j'ai vu l'orthophoniste, c'était à l'hôpital pour recommencer à boire déjà. Et puis petit à petit à manger, ambulation, etc. Et après, il y a eu plus versant, plus à long terme, de l'élocution, l'expression, etc. Donc moi, je ne suis pas de Paris. J'ai cherché une orthophoniste près de chez moi. Et en fait, l'orthophoniste que j'ai vu près de chez moi, n'avait jamais vu de patient atteint d'un cancer ORL, en particulier la langue. Et donc, elle a mené ses petites recherches de son côté. Et ensemble, main dans la main, les deux, on a fait ma rééducation. Et on a petit à petit ajusté. Donc, on a travaillé énormément sur la prononciation des mots, sur aussi la sensibilité de la langue, vu que toute la partie orale de ma langue est insensible. Mais savoir un peu gérer les aliments dans la bouche, etc. Et voilà, donc elle m'a accompagnée pour ma première opération, je dirais 3 mois à peu près. Et pour la deuxième, j'étais plus en autonomie. Je n'ai pas revu l'orthophoniste près de chez moi. C'était Alice. Moi, je voyais ponctuellement et moi, je faisais tous les exercices de mon côté en autonomie parce que, encore une fois, je me disais avec la vie d'une jeune étudiante qui voit ses amis, qui va à l'école. C'est pas toujours évident de me disais avec les rendez-vous de l'orthophonie. Moi, je préférais faire de mon côté ma petite rééducation et temporairement faire un point pour voir comment ça avait évolué. Voilà. Tu parlais justement de la sonde nasogastrique qui est liée aussi directement à la rééducation. Donc, tu as aussi une rééducation par rapport à l'alimentation. Oui, mais moi, disons que comme je suis une grosse gourmande et que j'adore manger, je suis un peu... j'étais un peu pressée. T'as mis les bouchées doubles, quoi. Voilà. Donc, ça change en plus. À la première opération, j'ai eu la chance de ne pas être traitée automisée, ce qui facilite aussi le rendement des choses. Donc, à la première opération, en 2 semaines, je dirais, j'ai recommencé à manger normalement. Parce qu'au début, c'est les soupes et les textures liquides, etc. Et moi, j'étais un peu pressée. La deuxième, ça a été plus lent, mais j'étais aussi pressée. Ça a pris, on va dire, 1 mois et demi. T'as trouvé des petites recettes Exactement. On trouve toujours des adaptations. Mais c'est vrai que à la première opération, moi, j'ai été un peu déstabilisée. Et je souffrais beaucoup de la situation de ne pas pouvoir manger solide. Surtout, quand mes parents pouvaient manger solide. Donc, bien que, encore une fois, ils étaient d'un grand soutien. Parce qu'ils se forçaient à manger des soupes matin, midi, soir pour m'accompagner. Mais c'est vrai qu'à la sortie de l'hôpital, ils m'avaient dit vous pouvez mixer tout ce que vous voulez, ça fera une texture que vous pouvez manger. Et dans les faits, moi, j'ai trouvé qu'en vrai, c'était pas aussi simple. Et par rapport à la sensibilité de ta langue, justement, parce que t'as une glossectomie partielle avec reconstruction par lambeau, tu as gardé le goût, même par rapport à l'odorat, parce que de la zone ORL, c'est lié, donc, tout est lié. Je l'ai un peu perdu quand j'ai... que j'ai eu assez une utilisation, parce qu'en fait, comme il n'y avait plus rien qui passait dans la bouche, ben, la bouche, quand je commence à manger, les papilles, elles comprennent pas tout ce qui se passe. Et aussi, pendant la radiothérapie, j'ai perdu un temps. Mais ça, c'était lié plus au traitement. Par contre, aujourd'hui, là, à l'instant T, j'ai complètement le goût, malgré que j'ai la moitié des papilles du 7 devant moi. Par contre, la sensibilité, j'ai plus aucune sensibilité, même dans la partie de jambe qui me reste. Parce que vu que j'ai eu cette nouvelle récidive, elle a touché en fait les nerfs de la partie de ma langue qui me restait. Donc là, ma langue actuellement, elle ne bouge plus du tout et je n'ai plus aucune sensibilité. D'accord. Mais okay. Par contre, j'ai toujours le goût. Ça, c'est bien. C'est une très bonne chose. Et tu manges parfaitement. Et j'arrive à manger. Ça, pareil, ça a été compliqué. Tu vois, j'ai eu cette nouvelle récidive. J'ai dû repasser sur de l'alimentation mixée. J'ai eu en fait une sondage gastrique tout l'été dernier, avant d'être diagnostiquée avec ma récidive, parce que j'arrivais plus du tout à manger. Et ben au fil du temps, j'ai retesté petit à petit, et aujourd'hui j'arrive à manger du tout. Du coup, avec la sonde nasogastrique, on peut perdre beaucoup de poids. Ouais. Parce que forcément, on ne s'alimente plus normalement. Et donc, quand on te dit que tu peux remanger, tu fais plaisir. Ah, tu te fais plaisir à fond. Et même les diététiciennes que j'ai vues, à chaque fois, elles me disaient « Mais juste, faites-vous plaisir, tant que vous mangez, allez-y. » Parce que en fait, tu perds tellement de poids que moi, au maximum que j'ai perdu, sachant que de base, je suis déjà pas un gros poids, c'est 10 kilos. Sur 50 kilos, tu descends à 40 kilos, tu vois. Mais depuis, maintenant, je me fais plaisir. Ah ouais. Aujourd'hui, comment tu vis actuellement? Où est-ce que tu en es dans tes traitements? En fait, moi, la seconde récidive qu'on m'a diagnostiquée, on m'a expliqué que je ne pourrais plus être opérée sans avoir des séquelles vraiment plus importantes que celles que j'ai actuellement. C'est-à-dire que je ne pourrais plus manger, je serais trachéotomisée à vie. Et de la nature entre les médecins et moi, on a décidé que cette option n'était pas envisageable. La chimio et la radiothérapie n'ont pas vraiment fonctionné sur moi puisque j'ai eu des récidives. Mais c'est pour ça que maintenant je suis sur des traitements plus expérimentaux. De septembre à mars, de 2023-2024, j'étais sur un premier essai clinique qui marchait bien sur moi, mais qui a cessé de fonctionner en mars 2024. Et du coup, on m'en a directement proposé à nouveau, que je suis actuellement, qui est à raison d'une injection en hôpital de jour toutes les deux semaines. Et à côté de ça, je mène ma vie d'étudiante, un peu chamboulée parce que du coup, comme il y a eu ce changement de traitement, j'ai dû mettre en pause mes études à nouveau parce que c'était un peu compliqué, j'avais beaucoup de rendez-vous à Paris, etc. Donc ça repousse un peu mon diplôme, mais c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Donc tu disais que t'as dû mettre un peu en pause tes études, et donc avec ces traitements-là, ça fait que t'es souvent à la maison, chez toi. Est-ce qu'il y a des activités qui te permettent un peu d'occuper l'esprit, de changer les idées Alors déjà, de base, je suis quelqu'un qui est assez manuel. Mais qui prend pas forcément le temps de le faire. Je dessine depuis que je suis toute petite. Par contre, il y a des années durant l'été, je dessinais pas parce que je prenais pas le temps de le faire. Et du coup, là, ça m'a, le fait d'être malade et d'être beaucoup à la maison, ça m'a aussi beaucoup appris à prendre le temps, justement. prendre du temps pour moi, prendre du temps pour faire des choses que j'aime. Je dessine beaucoup plus, je fais de l'aquarelle, je fais de la poterie, enfin beaucoup de choses manuelles. Et même parfois je m'initie juste une fois, une après-midi je vais faire un truc manuel que je vais pas refaire par la suite, mais ben voilà, je prends le temps de le faire. Et j'ai aussi adopté un chat il y a un peu moins d'un an, et ben, ça m'occupe aussi beaucoup. On appelle ça la ronron-thérapie. Ah, vraiment, et ça marche plus que tout. Ah ouais, je prends le temps d'être avec elle, et juste ça, ça me fait du bien. Bah, ma soeur m'a offert une première plante à la fin de ma radiothérapie pour fêter ça. Et depuis, j'en ai acquéri, acquis plusieurs autres, et j'aime bien les bichonner, voilà. Et là, je commence un peu à reprendre le sport aussi, ça fait du bien. Voilà, donc c'est toutes des choses... mais vraiment, ça, c'est des choses que ça m'a appris d'être malade, c'est de prendre du temps pour soi et de faire des choses qu'on aime. Ouais. Et que je me rends compte même maintenant, mais mon entourage ne fait pas forcément. Et moi, des fois, je leur dis, mais... Doucement, juste ouais. Souffle et enfin voilà. Prends le temps, ouais. Quoi. Ouais. Prends le temps pour faire les choses que t'aimes dans la vie. Et puis là, les beaux jours vont revenir. Bon, même si aujourd'hui il pleut, c'est l'orage. Mais on va retourner à la mer. Ouais. On va profiter de l'été. Et puis à la fin de l'été, tu m'en parlais tout à l'heure, tu seras normalement diplômée. Eh oui, sur, enfin normalement. Je passe en session 2 fin octobre. Ouais. Et puis après, ben, c'est la vie active. Donc, On te souhaite plein de bonnes choses pour le début de ta grande vie d'adulte. Merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir écouté. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coup de tête. Le podcast des patients touchés par un cancer tête et cou, créé par l'association Corasso. Pour retrouver plus d'informations sur ces cancers et sur l'association, rendez-vous sur www.corasso.org. À bientôt!